بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. A le plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. Cours numéro 27. Al-Iftirash wal-Iq'a بين السجدتين. Les différents types d'assises légiférées entre les deux prosternations. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إن شاء الله خمس لغيفزيون لفور درمي. Dans lequel on avait évoqué l'équilibre qui doit être observé pendant sujoud et la vocation kadalaka qui doivent être évoquées. Donc il nous avait fait un petit récapitulatif à Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala quant au fait que l'équilibre il devait être observé sur les membres de prosternation qui sont le front, le nez, les paumes, le genou, les genoux et les doigts de pied. Il nous a dit que celui qui se prosterne de la sorte sur ses membres, il a certes observé l'apaisement et l'équilibre dans son sujoud. On a pu voir, ça c'est l'apaisement des membres et c'est un pilier comme on a pu le voir. Et ceci ne suffit pas, il faut qu'à l'écart qu'il y ait un apaisement au niveau de la langue, c'est-à-dire qu'est-ce qui est voulu dans la parole d'être apaisé par la langue lorsque tu es en soujoute. Qui a une réponse? De glorifier Allah Azza wa Jal ou bien de l'invoquer au moins une fois. Naam. Donc, comme l'a évoqué le participant 85, il faut au moins glorifier Allah Azza wa Jal au moins une fois ou bien de l'évoquer plutôt, de l'invoquer au moins une fois. Et ça c'est un pilier ou bien c'est une obligation ou bien c'est mustahab, le fait de glorifier Allah Azza wa Jalla, une obligation, c'est une obligation qui se rappelle de la preuve de cela. Si vous vous rappelez, il a dit que quand on est en sujoud on doit invoquer abondamment Allah Azza wa Jalla. Amma fi sujoud fastahidu fi du'a fa qaminun an yustajab lakum. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordonné dans ce hadith là, fajtahidu, recherchez abondamment les invocations, le fait d'invoquer lorsque vous êtes en sujoud, ijtahidu, faites un effort par rapport à cela. Le fait qu'il ordonne, on sait que le premier degré, lorsqu'il ordonne une chose, c'est quoi? C'est que c'est une obligation. Ensuite, est-ce qu'il y a un dalil qui nous prouve que c'est un pilier? Non, il n'y a pas de dalil qui nous prouve que c'est un pilier, donc il reste, il est comme il est, c'est-à-dire que c'est une obligation. Mais une grande obligation, comme on a pu le voir, car il y a à travers le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal dans ce sujoud, il y a une cause pour que tes invocations soient exaucées. Car le sujoud, c'est l'endroit le plus proche dont le serviteur est auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Ensuite, on a pu se conseiller par rapport au fait d'observer les conditions afin que nos invocations soient exaucées. C'est-à-dire que comme le fait d'évoquer Allah Azzawajal et l'invoquer, c'est une adoration. Toute adoration elle repose sur deux conditions. L'ikhlas, la sincérité et le suivi dans l'adoration. Quel est le jugement de celui qui invoque Allah Azzawajal, que ce soit dans les adhkar du matin et du soir, ou bien dans ses sujoud, avec des invocations qui sont propres à lui, tout le temps, de manière continue. Quel est le jugement de cet acte? Non, c'est une innovation, c'est une bid'ah. Comme l'a dit le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Celui qui prend ça comme routine d'adorer Allah Azzawajal par des invocations qui ne sont pas évoquées du prophète, qui ne sont pas apportées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cet acte-là est un acte innovatoire, c'est même une innovation dans l'islam. Mais celui qui le fait de temps en temps, c'est-à-dire que son habitude, sa coutume, c'est d'invoquer avec les invocations telles que celles qui sont évoquées par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été apportées par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il ramène des invocations de son esprit, de lui-même. Quel est le jugement de cela? Si vous vous rappelez, on avait pu évoquer que c'était, enfin, à travers la parole de Cheikh l'Islam, j'hésite, permis ou recommandé. Au fait, non, ça c'est khilaf al-awla. T'as délaissé la chose qui est bien meilleure pour toi. Certains, hatta Cheikh l'Islam, il dit ça c'est makro, c'est détestable. Lakin, lorsqu'il voit cela, lorsqu'il dit que c'est détestable, il voit par là, il y en a que t'as, parce que détestable, dans les fondements de la jurisprudence, dans Usul Fiqh, une chose qui est détestable, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, lakin il n'a pas blâmé. Il a interdit, lakin il n'est pas énuméré sur le fait de le faire qu'il y a un péché. C'est détestable. On dit ça en français. Lakin, ce qui est ma'ruf, lorsque tu délaisses une chose qui est recommandée chez les savants de Usul Fiqh, ils disent que ça, c'est pas une chose, on n'appelle pas ça dans le din que c'est une chose qui est détestable. Lakin, ils appellent ça khilaf al-awla. Délaisser une chose qui est recommandée ou fortement recommandée, on appelle ça khilaf al-awla. Il est à délaisser une chose qui était meilleure pour toi. Donc c'est ce qui est voulu à travers la parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ce qu'il dit, celui qui invoque Allah azawajal dans ses sujouds ou bien dans les invocations du matin et soir avec des invocations dont la plupart sont apportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres viennent de lui, ils disent que c'est makro. Lakin, ce qui est voulu par là, c'est que tu as délaissé une chose qui était meilleure pour toi. Tu as délaissé ce qui est meilleur. Donc le fait de faire ça, c'est délaisser ce qui est meilleur. Et on a pu voir, alhamdoulilah, les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça qui manque. Donc il faut se limiter, incha'Allah, tabarak wa ta'ala, à ce qui a été apporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car dans son suivi, il y a une suffisance, c'est même. C'est l'imam des pieux, et c'est lui qui a invoqué Allah azawajal par les invocations qui sont les meilleures. Donc on a à travers le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, la meilleure issue pour voir nos invocations exaucées. Et même on a pu voir Katalika qu'on n'est pas à l'abri lorsqu'on sort de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam dans des invocations d'invoquer Allah azawajal par une chose que peut-être d'apparence tu penses qu'elle est aimée auprès d'Allah azawajal, laquelle c'est une chose qu'Allah il désapprouve et il n'aime pas. Donc le fait de se limiter à cela, ça t'épargne rentrer dans des choses dont tu ignores et qui vont être une cause que tes doigts ils vont pas être acceptés. On a pu le voir, Katalika, parmi les critères qu'il faut observer pendant la dua, c'est d'être quoi? Sincère. Et d'être Katalika, d'avoir une conviction. D'être sûr qu'Allah Azzawajal va t'exaucer. Katalika, de choisir les duas qui sont globales. De choisir et de ne pas être pressé lorsque tu invoques. Il nous avait donné un bon exemple, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous a dit c'est semblable à la personne qui sème une graine ou bien qui plante un arbre, ou plutôt une plante. Tu vas le voir s'occuper de cette plante-là, et lorsqu'il va voir que les fruits commencent à tarder et ne viennent pas, il va commencer à délaisser et se lasser et plus s'occuper de cette plante ou bien de cette graine. Il dit c'est semblable à quoi? À celui qui invoque et qui est pressé. Donc il va pour cela faire les asbab, il va invoquer lakin, il est pressé et ça va être une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il le évoque pas, il lui exauce pas cette dua. يستجاب لأحدكم أو يستجاب لأحدكم من لم نعم يستعجل أو يعجل. يقول دعوته دعوته. وفي رواية يستحسر. Il voit qu'il n'est pas exaucé. Qui peut nous rappeler quel est le sens de la doua qui est exaucée? La doua exaucée dans l'islam, qu'est-ce qu'elle comprend? Naam. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la chose que tu as demandé. Ou un bien, et qui te donne une chose qui est meilleure que ce que tu as demandé. Ou qui te protège d'un mal. Hein? Donc ces trois choses-là font partie de Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça fait. Ces choses-là sont comptées comme si jamais Allah azza wa jalla t'avait exaucé. Donc si on sait cela, ça va fermer les portes à être pressé et à penser qu'Allah azza wa jalla il t'a pas donné. Naam, peut-être qu'il t'a pas donné ce que tu lui as demandé, lakin il t'a donné une chose qui est bien meilleure et qui sait qui est meilleure pour toi. Ou alors il t'a épargné un mal qui est beaucoup plus grand que cela, et ça c'est un bien. Le fait qu'Allah azza wa jalla t'épargne un mal, c'est un bien. Donc ça c'est la chose. C'est les critères de voir ces doigts exaucés. Donc ça, c'est les critères de l'exaucement. Ça passe par ces trois choses-là. À partir du moment que le Nabi sallam, la yad'u yani bidu'a bidawatin fiha ithmun wala qati'atur rahim. Naam, kadhalika, parmi les choses qui vont être une cause pour que ce soit exaucé, c'est que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais qabla dhalika, c'est que tu es glorifie Allah Azza wa Jal. C'est que tu glorifies Allah Azza wa Jal. Comme il y a dans le hadith, yani hadith Fudala ibn Ubayd رضي الله تعالى عنه رواه أبو داود الترمذي وصححه الشيخ الألباني وتصحيحه الشيخ الألباني dans lequel سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يمجد الله سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم يصلي على نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو بعد ذلك بما شاء رواه أبو داود وترمذي. Dans ce hadith là, il nous dit que le Nabi sallam il a entendu une personne faire des doua pendant la salah sans qu'il ait glorifié Allah Azza wa Jalla et sans qu'il ait prier sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette personne là s'est empressée. Thumma da'ahu, il a appelé ou il a dit à une autre personne, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il commence lorsqu'il veut invoquer par le glorifier Allah azza wa jal, ensuite n'am qui glorifie Allah azza wa jal et qu'il lui fasse l'éloge, et ensuite il prie sur moi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il invoque Allah azza wa jal de ce qu'il veut. Certains des ulama, comme c'est le cas de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala fi Sharh Al-Mumti', ils voient que ce hadith là il est pas lorsque c'est dans un sujoud, c'est pas dans le sujoud, il dit c'est lorsque c'est dans le tashahud, dans le tashahud al-akhir, dans le dernier tashahud. Parce qu'il dit le fait que tu glorifies Allah azza wa jalla, comme c'est le cas, tu dis atahiyatulillah wa salawat wa atahiyatulillah tamam, et ensuite tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu fais des doua tamam. Il nous dit ça c'est pour tashahud. En fait, cette personne-là, elle était en tashahhud et elle n'a pas fait la glorifier, elle n'a pas glorifié Allah Azza wa Jalla et ni prié sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il nous dit ce hadith-là, quand même, il est à évoquer, il est à observer lorsque la personne allait en train de faire tashahhud. At-tahiyyatu lillah, salawat wa tayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Il nous dit ce hadith-là, wallah alam, la vie de, ou plutôt ce qu'il a vu, Cheikh Al-Uthaymin, c'est pas mal. Wallahu alam, ce hadith-là, il est approprié au tashahhud. Lakin, certains ulama, ils voient que ça fait partie des causes par lesquelles tu te vois exaucer les doigts. Le fait que tu glorifies Allah Azza wa Jal et que tu salles sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lakin, wallahu alam, d'apparence, ce hadith-là, il est à évoquer pendant, plutôt il y en a, c'est lorsque tu dois, c'est lorsque tu es en tashahhud, tu dois observer ces choses-là. Glorifier Allah Azza wa Jal, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu invoques ce que tu veux. On va le voir ça, Inch'Allah. C'est là, on va le voir. Et wallahu alam, la vie de Cheikh Al-Uthaymin, il est wadi. Kadhalika, yani, parmi les choses, ou parmi les causes de l'exaucement, donc c'est d'éviter les péchés, hein, d'éviter les péchés, comme on a pu le voir à travers le hadith d'Abi Hurayra, rapporté par un musulman, dans le hadith dans lequel il évoquait celui qui était en prière, en safar, en voyage. Ash'atha akbar. Yamudu yadahu ila sama. Ya Rab, ya Rab. Il a fait tout l'asbab pour qu'Allah Azza wa Jal lui invoque, ou plutôt il exauce ses doigts. Et à la fin, Allah, il évoque cette personne-là, elle n'a pas été exaucée parce que son ta'am, il était haram. Ta'amuhu haram. Wa sharabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. وإلى آخره تمام فقال فأنا يستجاب له كما يبان سيد خيك زوسيا لحك يفيد من حرام يسونه غير حرام يسابيد من حرام تمام دوك لبشي سين كوز كي نعم هم بحر entre toi et tes doigts donc il faut éviter cela. Donc on a pu évoquer à peu près ces choses là afin que en espérant inshallah en espérant qu'Allah Azza wa Jal y mette dans ces conseils là et même dans ces causes aussi qu'on a évoquées qui nous fasse compter parmi les gens, qui lorsqu'ils entendent une parole profitable, ils la mettent en application. Min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. On a pu voir كذلك. Naam, les choses yani se sont répétées, qu'il fallait observer une durée équivalente de ton sujoud à celle qui est dans le recours et lorsque tu reviens du recours. Quel est le jugement de mettre entre toi, entre tes membres de prosternation et le sol, la même chose entre toi et le sol? Quel est le jugement de cela? Si vous vous rappelez, on a pu voir que c'est khilaf al-awla, permis si c'est utile à cause d'une gêne. À partir du moment où il y a une gêne, non. Mais si jamais il n'y a pas de gêne, le mieux c'est de se prosterner. Au contact du sol, hein. Contact du sol qui n'est pas entre toi et tes membres de prosternation, une chose qui Naram ne sait pas. Car Nabi Sallallahu Alaihi, lorsqu'il a prié, il s'était vu en rêve qu'il allait prier dans sa mosquée un jour de pluie, le front dans la terre. Et ensuite, ce rêve s'est concrétisé. Nabi Sallallahu Alaihi, ici, il a prié, hein, sans mettre entre la boue et entre la boue et son front une chose. Lakin, comme on a pu voir à travers le hadith, yani, Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه متفق عليه dans lequel il dit كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجعل بيننا وبين الأرض يعني شيئا لشدة الحر يعني بالمعنى il posait une chose, il avait pour habitude de poser une chose lorsqu'il priait avec النبي صلى الله عليه وسلم dans les périodes يعني où le temps il était chaud lorsqu'il était chaud. Et on a pu voir qu'il y a des cas pour conclure que c'était pas permis de lire le Coran que tu sois en sujoud ou bien que tu sois en ruku', comme on a pu le voir à travers le hadith d'Ali ibn Abi Talib et Ibn Abbas, dans lequel Annabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lire le Coran pendant le ruku' ou le sujoud. Le fait de lire le Coran à partir du moment, plutôt d'évoquer les invocations qui sont dans le Coran, tu as le droit à partir du moment que tu n'intentionnes pas de lire. Car la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans le jugement ou bien dans les règles. قال رحمه الله تعالى الافتراش والإقعاء بين السجدتين. Donc là, il va nous parler de la posture qu'il faut observer lorsque tu reviens du sujoud. Et la prosternation, ou plutôt la position entre les deux sujoud, qui s'appelle يعني الجلسة بين السجدتين. L'assise entre les deux prosternations. Donc l'iftirash, comme on va voir, c'est le fait de se poser sur son pied. Ou l'iq'a, c'est le fait de dresser les deux pieds et de s'asseoir sur les talons, comme cela va venir inshallah ou tabaraka wa ta'ala. قال ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب. Il nous dit ensuite, après qu'il ait adoré Allah Azza wa Jal par recours, par sujoud, en ayant invoqué Allah Azza wa Jal, il se relève tout en faisant le takbir et il nous dit ça c'est une obligation. Ce qui nous prouve cela, le fait de faire un takbir, hadith Rifa'a ibn Rafi' qui a été rapporté par Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, dans lequel on a pu l'évoquer à plusieurs reprises ce hadith-là, laquelle on le répète encore une fois. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس فذكر الحديث. Dans ce hadith-là, dans lequel le Nabi صلى الله عليه وسلم dit, il nous dit que la salat de l'un d'entre vous ne s'accomplira qu'après qu'il ait fait cela et cela et cela. Il nous a évoqué takbiratul ihram wa kadhalika ar-ruku', lorsque tu reviens du ruku', et ensuite il nous dit an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjud hatta tatma'in thumma yasjud hatta yatma'inna sajidan aw thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqul Allahu akbar wa yarfa' ra'sahu hatta yastawi qa'idan. Donc dans ce hadith là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les choses par lesquelles se complète la prière et se valide le fait que lorsque tu reviens du sujoud, tu dises Allahu Akbar et ensuite tu t'assois de manière à ce que tu t'es tu t'assois après cela. Donc tu te redresses du sujoud et tu t'assois. Donc dans ce hadith là qui est ma'ruf, dans lequel Nabi sallam il nous prouve que la prière est incomplète si jamais on ne fait pas cela. Lakin, comme on a pu le voir, ce n'est pas un pilier, c'est une obligation, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et la chose qui dévie, parce qu'une chose, comme on a pu le voir, par laquelle Nabi sallam l'a ordonné, et que elle est, si jamais elle est délaissée, la prière, ou plutôt l'adoration, elle est annulée, on dit de ce jugement-là que c'est un rukn, donc c'est un pilier. Et le fait qu'il a dit la tatim, elle est incomplète, ceci nous prouve que ce qui est évoqué là, ce sont des quoi ? Des piliers. Mais on a pu le voir, comme on a pu le voir, il y en a dans d'autres cours, que le pilier kadalika, comme le cas de l'obligation, comme le cas de la recommandation, il peut être dévié. Son jugement, il peut être dévié, c'est le cas ici. Car le fait de dire Allahu Akbar, faire le takbir, après que tu es revenu de sujoud, c'est une chose qui est une obligation. C'est une obligation. Ce qui dévie le pilier, le jugement du pilier vers l'obligation, comme on a pu le voir, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une fois oublié at-tashahhud, le fait de faire at-tashahhud après en se levant de la troisième raka'a, tamam, ou plutôt après la deuxième raka'a, puis avant de se lever pour la troisième raka'a, et il avait oublié cela, et ensuite à la fin il a comblé ce manquement par la prosternation de distraction. Et c'est ma'ruf, comme l'a dit le ulama, la prosternation de distraction, elle ne peut combler toute seule un pilier. Un pilier, si jamais tu l'oublies, tu dois le ramener, ensuite faire une prosternation de distraction. Le pilier, il ne peut se combler que par lui-même. Mais les obligations, tu peux les combler par une prosternation de distraction. Ceci nous prouve donc que le jugement de dire Allahu Akbar, de faire takbir après le sujoud, c'est une obligation, comme l'a dit Aïcheikh Hafidhahullahu ou Rahimahullahu Ta'ala. Mais ça, c'est la vie qui est juste. Il y a des khilaf dans cette mas'ala. Certains ont dit c'est mustahab parce que le Prophète sallam n'a pas appris cela à celui qui ne sait pas prier. Lakin, le hadith qu'on vient de citer, c'est un argument contre eux. Et d'autres, ils voient que c'est une obligation, plutôt c'est un pilier. Car le Prophète sallam l'a ordonné, en plus, ils nous disent que at-takbir wa tasbih, le fait de lire le Coran, ce sont des valeurs de la prière. Celui qui laisse une valeur de la prière, sa prière, elle est invalide. Lakin, le hadith dans lequel le Prophète sallam l'a fait, et il avait oublié tashahhud, tamam, c'est un dalil qui nous prouve que ce n'est pas un pilier, ni qu'il est mustahab, lakin c'est un wajib, une obligation. Celui qui délaisse se verra, volontairement, se verra exposé au châtiment d'Allah azawajal si jamais il ne se repent pas. Qala, rahimahullahu ta'ala, wa yarfa' yadayhi ahyanan. Et il nous dit pour cela, il est légiféré pour lui de lever sa main. En même temps que tu dises Allahu Akbar, il est légiféré, il nous dit, al-Sheikh, rahimahullahu ta'ala, de lever ta main. On a pu le voir à travers le hadith d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, dans les recueils de Bukhari et Muslim, qu'il nous a informé que ceci n'était pas une coutume du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prière. Comme il nous l'a dit, qala annahu qala annahu kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Il ne faisait pas cela à Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant la prosternation. Après qu'il nous a évoqué les endroits où Nabi sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pendant la prière, il a conclu ce hadith-là en nous disant, en nous informant qu'il ne faisait pas cela pendant As-Sujud. Le sujud, c'est ma'ruf. Ce qui est voulu par là, ce n'est pas As-Sujud, lakin c'est lorsque tu reviens du sujud. Parce qu'un sujud, tu dois mettre tes mains au sol. Même ça, c'est une chose qui est ma'ruf. Il n'avait pas besoin de nous évoquer. Si jamais il aurait voulu nous dire qu'il ne fait pas ça pendant la prosternation. Lakin, ce qui est voulu, c'est lorsque tu reviens de la prosternation, car on a pu voir à travers le hadith d'Ibn Abbas que les mains doivent être posées bien au sol. Et ce qui nous prouve encore cela, qui vient éclaircir cela, dans une riwaya kadalika dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil al-Bukhari, il nous dit radiyallahu ta'ala anhuma kana la yaf'alu dhalika hina yarfa ra'sahu min as-sujud. Il ne faisait pas cela lorsqu'il levait sa tête du sujoud, lorsqu'il levait sa tête du sujoud. Donc ceci nous prouve que Ibn Umar a vu le professeur Salam ne pas faire cela. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Lakin, une partie infime des savants, comme c'est le cas de Sheikh Al-Albani, et c'est le cas de Sheikh Hunan Muhammad ibn Hazam, hafidhahum Allah ta'ala, ou rahimahullah, al-amwat, min al-mawda, al-na'am al-amwat, wa hafidh al-ahya. Ils voient que c'est tout à fait possible de faire cela, lakin de temps en temps. Car le hadith d'Ibn Umar, il nous montre qu'il n'avait pas l'habitude de faire cela. Et un autre hadith qui a été évoqué par l'éminent compagnon qui est Wa'il ibn Hujr, rahimahullah ta'ala, ou radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel, qui est rapporté par Abu Dawud et authentifié par Sheikh Mohammed ibn Hazam et Sheikh Al-Albani, rahimahumullah ta'ala, donc il nous a dit, كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود. Il nous dit que le Nabi sallam, il avait pour habitude de lever sa main lorsqu'il se levait du sujoud, pour s'asseoir. Et le hadith là, il est authentique. Lakin, ce hadith, il y a une autre version dans laquelle certains des rapporteurs varient, dans lequel ils n'ont pas évoqué que le Nabi sallam, il avait levé la main pour cela. Dans la version rapportée par Hammam ibn par Hammam, dans la version qui est rapportée par Hammam, selon Ibn Hajjadah, dans laquelle il n'a pas été évoqué cela. Cheikh Mohammed ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, il nous dit la version dans laquelle il a été évoqué, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait, temps en temps, il faisait cela. Il nous dit dans cette version-là se trouve un rapporteur qui est Abdallah ou Abdelwarith. Et il nous dit, ce rapporteur-là, il est mieux qualifié que Hammam, Tamam ibn Yahya, celui dont la version n'est pas évoquée que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça de temps en temps. Donc il nous dit, le fait que cette personne-là soit mieux qualifiée, on doit faire précéder la version de celui, du rapporteur de celui qui est mieux qualifié à celui qui est moins qualifié, malgré que les deux personnes sont des personnes, yani, dont la hadith, ils sont comptés comme, pas authentiques, lakin, makboul, qui sont acceptés. Lakin, celui-là, est mieux qualifié que l'autre. Lakin, on a une version catholique de ce même rapporteur-là, qui était de Hammam ibn Yahya, celui qui n'a pas évoqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait cela de temps en temps, dans laquelle s'est appuyé l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, dans son recueil, pour l'évoquer. Et l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, c'est ma'ruf, c'est quelqu'un qui, un grand imam dans le hadith, qui avait une analyse profonde des hadiths, et même des défauts des hadiths. Le fait qu'il n'évoque pas cette version-là dans laquelle il est évoqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ça de temps en temps, comme c'est le cas de la version de Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, ceci nous prouve peut-être qu'il voyait que ce hadith-là, il y avait une chose. Hein, il y avait une chose dans ce hadith-là dans lequel il était évoqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ça de temps en temps. Hein, même si le rapporteur est mieux qualifié que l'autre, lakin le fait que ce rapporteur-là n'a pas rapporté, il n'a pas été rapporté. Hein, il n'a pas rapporté ce hadith-là. Ou plutôt cette ziyada, cet ajout. Et quand il y a le cas que Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, il nous informe que Nabi sallam, il ne faisait pas cela. Il ne faisait pas cela. Il est clair, net et précis. Il ne faisait pas cela. Rajoute à cela qu'il y a une version de Abu Dawud dans laquelle, quand il y a le cas, il indique que Nabi sallam, il ne faisait pas cela. Ça n'a pas été évoqué. En plus de cela, Muslim, il prend appui de la version dans laquelle il n'est pas ajouté qu'il faisait cela de temps en temps, qu'il levait la main de temps en temps. Ces trois arguments-là font que ils font pencher l'avis de la majorité à ceux qui voient que tu peux le faire de temps en temps. Malgré qu'ils ont rajouté aussi Kazalika pour fortifier leur argument, que Ibn Umar, radiallahu anhuma wa Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala an, il avait Kazalika, il a été connu qu'il a fait cela. Ibn Anas ibn Malik, comme cela a été authentifié par Sheikh Mohammed ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, dans le recueil de Ibn Abi Shayba, rahmatullahi alayhi, que cet éminent compagnon Anas ibn Malik avait fait cela, lever les mains de temps en temps. Donc il dit que le fait qu'il a fait cela, Anas ibn Malik, ceci nous montre qu'il a pris cela, c'est ma'ruf, le sahaba, il ne faisait pas une chose qu'après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Lakin, c'est ma'ruf kazalika qui faisait des efforts d'interprétation, comme on a pu le voir à travers le fait d'Ibn Zubair lorsqu'il laissait les bras ballants, et kazalika, il y en est dans le wudu. Lorsque Abu Hurayra, radiallahu ta'ala anhu, il faisait le wudu d'une manière tamam, qui n'était pas connue. فيعني الذي يظهر كذلك ابن عمر تمام ابن عمر يرمي une version dans laquelle dans Bukhari et Muslim dans laquelle il dit Nabi Sallam il ne faisait pas cela تمام il a nié cela et il est rapporté que lui il faisait cela lui-même تمام ابن عمر c'est connu comme un sahabi رضي الله تعالى عنهما qui avait un grand attachement pour la sunna lakin dans certains moments il faisait كذلك des efforts d'interprétation donc comme c'est معروف يعني comme l'a évoqué l'imam Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, lorsque un compagnon rapporte une chose du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il le voit faire une chose de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'attribue pas ce qu'il a fait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lequel des deux tu fais précéder? Est-ce que tu fais précéder sa parole, ou bien tu fais précéder l'acte? Est-ce que tu fais précéder la chose qu'il a attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu fais précéder la chose que lui-même a fait de lui-même? Et nous dit, comme c'est معروف, لنا ما روى ولا ما رأى. Tamam, il nous dit, ça c'est une qa'ada qui est معروف, dans le hadith et kadalika. Dans la jurisprudence, ou plutôt dans l'usul, لنا ما روى ولا ما رأى. On prend ce qu'il a rapporté, et on ne s'appuie pas sur la chose qu'il lui il a vue, tamam, sur son effort d'interprétation, ou bien sur la chose que lui-même il a vue. Tamam. لنا ما روى ولا ما رأى. On prend ce qu'il a rapporté et on délaisse son opinion. Fawallahu alam, celui qui lève la main de temps en temps, même comme on dit, lève la main de temps en temps, hatta yadi shaykh yani al-Albani, rahimahullah ta'ala, yarfi yadi ahyanan, yani de temps en temps. Celui qui fait ça et qui prend en considération le hadith de Wa'il ibn Hujr, rapporté par Abu Daoud, tamam, rahimahullah ta'ala, la basbi. Il a un argument, il a un argument. Lakin, celui qui préfère délaisser cela, et ce qui est meilleur, Inch'Allah, ce qu'on voit, et Ibn plutôt Zahri, si mes souvenirs sont bons, il dit Ma ubidallah bishayin afdala min al-wara. Allah Azza wa Jalla, il n'a pas été adoré par une chose, yani telle que le fait de s'abstenir. Tamam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Laisse une chose, la chose qui est un doute pour ceux qui n'ont pas de doute. Le fait qu'il dit « il n'a pas fait », c'est ma'ruf, c'est ma'ruf, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma'ruf, et les endroits dans lesquels il avait ses mains, dans quatre positions. Dans takbir, takbir tu l'ihram. Lorsqu'il allait en recours, lorsqu'il revenait au recours, et lorsqu'il se levait du tashahhud, lorsqu'il allait à la troisième unité de prière. Fait celui qui l'a fait, il a un hadith pour cela, il a, kazalika, des compagnons qui l'ont fait. Et il n'incombe pas kadalika, à ceux qui voient qu'il ne faut pas lever la main, qui utilisent une dureté. En disant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cela. T'as. Tu ne dois pas dire cela, car il y a un hadith qui est venu, et quelques sahaba l'ont fait. Donc le fait qu'ils l'ont fait, wallahu alam, yani, ils l'ont fait pour une chose. Lakin, le fait de s'abstenir, wallahu alam, c'est mieux. Et si jamais tu le fais de temps en temps. Tu le fais de temps en temps. Lorsque tu te relèves de rukou', tu dis Allahu Akbar, mais tu le fais de temps en temps. Pas tout le temps. Ce que tu dois faire précéder, c'est de. Le faire, de faire souvent, c'est quoi? De ne pas le faire, de ne pas lever la main. Donc là, bah, c'est pour ceux qui le font, lakin al-ahsan wa Allahu a'lam, c'est qu'ils ne le fassent pas. Ils se contentent de ne pas le faire. Et comme on a pu le voir, takbira, at-takbir, il doit être dit avant que tu sois totalement, que ton dos soit dressé. Il doit être dit avant que ton dos soit dressé, car à partir de ce moment-là, comme on va le voir, il y a des douas qui doivent être dites. Et ce n'est pas l'emplacement du takbir. Donc si jamais tu le dis, au moment où ton dos il s'est redressé totalement, que tes membres ils ont pris la posture qu'ils devaient avoir à ce moment-là, et eh ben yani, c'est comme si jamais tu n'avais pas fait ce takbir. C'est comme si jamais tu ne l'avais pas fait. Parce qu'il a un moment à légiférer pour cela, et le fait que tu le fasses retarder, ça fait comme si c'est compté comme si jamais tu ne l'avais pas fait. T'as vu? Comme on avait pu voir. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم الى موضعه وهو ركن il dit ensuite il s'assoit et il doit être apaisé lorsqu'il est assis jusqu'à ce que tous ses os tous ses membres ils reviennent à leur place et il dit ceci est un pilier وهو ركن نعم et ceci est l'avis de la majorité des savants ils ont pris pour cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a enseigné à celui qui ne savait pas prier comment prier dans ce hadith là il a évoqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam فقال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Et ensuite lève-toi ou redresse-toi jusqu'à ce que tu sois jusqu'à ce que tu sois totalement tu sois jusqu'à ce que tu sois yani assis et que tu te sois apaisé pendant ton assise. Afin parce qu'il est en mode veille, l'écran, j'ai pas vu la question. Donc on peut commencer à le dire pendant qu'on est en sejda. Non, kadhalika. Lorsque tu es en sejda, tu ne dois pas le dire. Car ce n'est pas connu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? At-takbir lorsqu'il était quoi? En prosternation. Tu dois le dire au moment où tu t'es relevé. À partir du moment que ton front s'est relevé du sol, à partir de ce moment-là, tu peux le dire. À partir de ce moment-là, tu peux le dire. Tant que tes sept membres ils seront au sol, tu ne peux pas le dire. Il faut qu'un de tes membres il soit relevé, et c'est pour cela la tête. Et ensuite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu peux dire Allahu Akbar, et à tout ce moment-là, en attendant que tu sois redressé. Comme on a pu le voir. Entre les deux. Donc, yani, c'est un pilier. Le fait de se redresser, s'asseoir, et trouver un apaisement dans cela, que tes os reviennent et tes membres reviennent à leur remplacement, ça fait partie des piliers de la prière, et de la salat de na'am de la prière, et ça par la majorité des savants. Par rapport au hadith, comme on a pu l'évoquer, et ensuite redresse-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ton assise. Certains des ulama, comme c'est le cas des Ahnaf, et Kadalika, il a été évoqué de l'imam Malik, ils nous disent que l'assise, qui doit être observée entre les deux prestations, c'est une chose qui n'est pas wajib, c'est pas obligatoire. C'est pas une obligation. Lakin, le hadith, c'est un argument contre eux et non pas pour eux. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, ceux qui se sont basés sur cette parole-là, cet avis-là, ils n'ont aucun avis par rapport à cela. Et ils voient que le fait que tu t'es redressé, que t'es reparti, comme le fait, yani, il nous dit, kahad de safe, lorsque tu lèves l'épée, tu dois te lever comme tu le fais lorsque tu sors l'épée de l'étui. Tu la sors et ensuite tu redescends. Et ça, ils nous disent qu'il n'y a pas de dalil, les chers. L'imam al-Nawawi nous dit qu'il n'y a pas de dalil par rapport à cela. Donc, il y en a comme l'ont dit la majorité des savants, et c'est l'avis qui doit être observé, et non rien en dehors de cela, c'est que c'est un pilier. Celui qui le délaisse, sa prière est annulée. Celui qui le délaisse volontairement, sa prière est annulée. Il doit la recommencer. Non. قال رحمه الله تعالى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها وهو واجب وهذا واجب يدي. Donc parmi les descriptifs qu'il faut observer pendant cette assise, c'est de mettre son pied gauche et de s'asseoir dessus. Et il nous dit, le fait de mettre ton pied gauche en dessous de ta fesse, c'est une obligation. Et il dit de t'asseoir dessus, c'est une obligation. Ce jugement qu'il a avisé à Cheikh Hafidhahullah ou Rahimahullah Ta'ala, c'est un jugement qui est faux. Le fait de juger que c'est une obligation. Ça fait partie des sunnah de mettre ton pied gauche sous ta fesse lorsque tu veux t'asseoir. Lorsque tu veux t'asseoir à ce moment-là. Et la preuve qui nous prouve cela, c'est Hadith Aisha. Dans Muslim, dans lequel Nabi Sosam il a dit, ou plutôt il a été dit du Prophète Sosam, كان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان. Rapporté par Aisha radiallahu ta'ala anha, dans lequel il nous a dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était assis, il dépliait, si on peut dire cela, ou plutôt yani, il s'asseyait sur son pied gauche et il dressait son pied droit. Et il nous avait interdit de s'asseoir comme le fait à Shaytan. L'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il nous a évoqué ce qui est voulu dans l'assise de Shaytan. Il nous a dit c'est le fait de s'asseoir comme le font les chiens. Le chien lorsqu'il est assis, l'assise du chien c'est ce qui est voulu là dans Raqabatu Shaytan. L'assise de Shaytan c'est la même assise que ont les animaux sauvages et Kazalika, les chiens. C'est-à-dire qu'il s'assoit sur son derrière et il dresse ses genoux en l'air. Le fait de s'asseoir de cette manière-là, c'est interdit. Tu ne dois pas t'asseoir de cette manière-là. Lakin, mettre ton pied gauche sous ta fesse, et de dresser tes pieds, ou plutôt ton pied droit. Ça, c'est une sunna. Comment on a attiré le fait que c'est une sunna? Le fait que Nabi Sallam, il a été dit, quand Nabi Sallam, il a fait ça, Nabi Sallam, il n'a pas ordonné, Lakin, ils ont décrit comment le prophète, il faisait cela. Donc, le fait qu'il n'a pas ordonné cela à celui qui ne savait pas prier, et ni il l'a ordonné de manière générale. Ceci nous prouve que ce n'est pas une obligation, mais que c'est une sunna. Car le premier degré des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que c'est une sunna et ce n'est pas une obligation. Donc le fait qu'il a jugé que c'est une obligation, ce n'est pas, pas un avis juste. Mais le shaykh, il s'est appuyé sur un hadith qui est daif, qui a été rapporté par Rifa' ibn Rafi', dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك وإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. Il dit dans ce hadith là qui est rapporté par Abu Daoud que Nabi sallam, il a été prétendu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a redit à celui qui savait prier, et ensuite lorsque tu veux aller en prostration, ou plutôt lorsque tu te prosternes, tu dois te stabiliser sur tes membres de sujoud, et lorsque tu te lèves, tu dois t'asseoir فقعد, tu dois t'asseoir sur ta cuisse. Tu dois t'asseoir sur ta cuisse gauche. Ce hadith-là a été rapporté par Abu Daoud, dans lequel il se trouve un rapporteur nommé Yahya ibn Khaled, qui est né dans l'ère de la prophétie. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, laquelle lui, c'était encore un nourrisson. Et cette personne-là, elle est majhoul. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ses caractéristiques par rapport à la mémorisation. On ne connaît pas si jamais c'est une personne qualifiée d'une bonne mémorisation. Et c'est marrant, comme j'ai pu vous le répéter, que ces personnes-là, on ne peut juger dans le hadith qui est authentique. Donc le hadith est da'if. Ce hadith-là, il est da'if. Donc l'ordre dans lequel il est évoqué qu'il est ordonné, il ne tient pas debout car le hadith est da'if. Donc on reste sur le fait que le premier degré des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est une recommandation, comme cela a été authentifié dans le hadith de musulmans selon Aïcha, dans lequel Nabi Sassan nous a, ou plutôt il a été évoqué qu'il s'asseyait de la sorte, en mettant son pied gauche sous sa fesse, et il dressait pour cela son pied droit. Et donc il interdit de s'asseoir comme le font les chiatines, comme le font les chiens, et comme le font les animaux sauvages, c'est-à-dire en posant son derrière au sol, et en levant pour cela les genoux en l'air, les mains à terre et les fesses au sol. De même, ça c'est interdit. C'est une interdiction et c'est une ressemblance avec les shiatines. Nas'Allah al-'afiyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yansibu rijlahu al-yumna. Il nous dit, il doit dresser son pied droit, comme on a pu le voir à travers du hadith de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Donc dresser son pied droit, ça fait partie des sunnahs de la prière. Et ce qui appuie cela, hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, plutôt un athar d'Ibn Abbas, mais qui est dans l'authenticité tel que un hadith, c'était tel que si jamais il avait attribué au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans lequel nous est dit, ou plutôt ta'us, il y a deux hadiths, hadith Ibn Umar, plutôt hadith Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit min sunnati as-salah أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. Et ce hadith-là, il est hassan, car il y a dans cette chaîne de transmission un rapporteur qui s'appelle Ishaq ibn Bakr, qui est qualifié, comme l'a dit Abu Hatim, d'une personne la basavi. Et le fait qu'il nous dit la basavi, c'est que son hadith, il est hassan. Son hadith, il est hassan. Lakin s'est connu, ces gens-là, plutôt à Abu Hatim, c'était quelqu'un qui était un peu sévère dans ses jugements, donc ils disent les ulama du Jahra Ta'adil, lorsque ces personnes-là, qui sont connues pour être un peu sévères des fois, lorsqu'il dit là, ben sa vie, c'est comme si jamais il disait, cette personne-là, son hadith est sahih. Et c'est comme s'il disait, tiqa. Lakin, ça veut dire quoi? Comme vous allez le voir, Inch'Allah, dans la science du Jahra Ta'adil, tu as plusieurs échelons dans la personne lorsqu'elle dit tiqa, tamam. Et lui, c'est le premier échelon. Premier échelon des personnes qui sont tiqas, dont le hadith, sont authentiques. Et il a été authentifié, ce hadith-là, par Sheikh Mokbel, ou plutôt Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, dans ce hadith-là, Omar ibn Khattab nous dit, il fait partie de la sunnah. Le fait qu'il nous dit, Omar ibn Khattab, qui fait partie de la sunnah, c'est comme s'il attribuait le hadith au prophète, sallam, c'est comme s'il était dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt comme si Omar avait dit, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'un sahabi il nous dit min as-sunna kada wa kada, il fait partie de la sunna ceci et cela, c'est comme si jamais il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, car la sunna, lorsqu'elle est évoquée dans le sahabi, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il nous dit, il fait partie de la sunnah dans la prière que tu dresses ton pied droit et que tu le mettes, ou tu mettes tes doigts de pied en direction de la qibla, et que tu t'assoies sur ton pied gauche, que tu t'assoies sur ton pied gauche. Et remarquez qu'à dalika barakallahu fikoum dans ce hadith là, donc là on prend par rapport à ce hadith là en premier lieu que le fait de dresser son pied droit, comme on a évoqué dans le hadith d'Aïcha, dans le muslim, c'est une sunnah, tamam. Et qu'à laquelle le fait de s'asseoir. Car il nous dit, Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, wal julus ala al-yusra. Yani, tout cela fait partie de la sunnah. Le fait de s'asseoir sur son pied gauche, lorsque tu assis entre les deux prosternations, il dit que ça fait partie de la sunnah. Donc ceci réfute le jugement qu'a eu Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit, wa yafrishu rijlahu al-yusra, fayaqad alayha, wa hada wajib. Il nous dit, il doit s'asseoir sur son pied gauche, et il s'assoit, il doit, na'am. Soit s'asseoir sur son pied gauche, et il nous dit ceci est une obligation. Remarquez Omar, comment il a jugé cet acte-là en disant que c'est une sunnah. C'est une sunnah, tamam. Donc ceci nous prouve vraiment que ce hadith-là, il est faible. Et on peut même dire que c'est quoi? Il est munkar. Parce qu'il contredit un hadith qui est authentique. Le fait qu'il contredit un hadith qui est authentique, et en plus, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est faible, on appelle ça dans le hadith, dans le sens du hadith, que ce hadith-là, il est munkar. Yani da'ifun jiddan. Da'ifun jiddan. Sa chaîne de transmission est faible. Et l'énoncé, le texte, kadalika, il est faible. Donc il est vraiment rejeté. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى المنكر أبدا منكر. Le hadith, yani de cette sorte-là, tamam, qui est une grosse erreur, il restera toujours une grosse erreur, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais la rectifier. قال رحمه الله تعالى ويستقبل بأصابعها القبلة. نعم. Ça, c'est une sunnah. Le fait d'orienter les doigts de pied de ton pied droit. Lorsque tu es assis, tu t'assois sur ton pied gauche, tamam. Et tu dresses ton pied droit. Tu dresses ton pied droit. C'est-à-dire que ton tibia, il est presque au sol. Tamam. Et tu dresses ton pied droit et tes doigts de pied, ils doivent être en direction de la qibla. Ça, c'est là une sunnah dans le fait de s'asseoir entre les deux prostrations, comme là, ça a été évoqué dans le hadith de Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel nous a dit, il fait partie de la sunnah. Tamam, il fait partie de la sunnah. Et ce hadith-là, il est authentique. Tamam, il est authentique. Comme on a pu le citer. Un instant. Authentifié même par Sheikh al-Albani. Rahimahullah ta'ala. قال ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. Nous dit, كذلك, c'est possible que de temps en temps il s'assoie de la manière, d'une façon qui s'appelle al-iq'a. Al-iq'a, c'est-à-dire de joindre ses deux pieds, de s'asseoir. De joindre sur ses deux pieds, les dresser sur le bout des doigts de pied, les dresser sur les doigts de pied et de s'asseoir sur les talons. De s'asseoir sur les talons, tamam. Donc ceci, Kazalika, il nous dit, cher, que ça fait partie des choses qui est yajouz. Même, yani, c'est plus que permis, c'est quoi? C'est recommandé, mais lakin, de temps en temps. Recommandé de temps en temps. Est-ce qu'il nous prouve cela? Le athar de Taous, qui est un des étudiants, ou plutôt un des élèves de Naham, d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans lequel il nous a dit, ou plutôt il lui a dit, كنا لابن عباس radiallahu anhuما في الإقعاء على القدمين فقال هي سنة هي نعم فقال هي سنة نعم فقال هي سنة نعم فقال هي سنة نعم je répète le hadith afin que j'ai mal écrit. عن تاوس قال كنا لابن عباس radiallahu anhuما في الإقعاء على القدمين فقال هي سنة فقلنا له إن نراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس رضي الله عنه بل هي سنة نبيكم بل هي سنة نبيكم بل هي سنة نبيكم رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. Donc Taous qui a demandé une fois à ابن عباس رضي الله عنه quel est le jugement ou quel était son point de vue face au fait d'observer l'iqa, yani entre les deux prostrations, le fait de s'asseoir sur les talons n'ayant joint pour cela les pieds. Il a dit, Ibn Abbas, que ça fait partie de la sunnah. Donc la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il avait dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait cela. Il a dit, on voit que ceci est une chose qui diminue la valeur de l'homme. Il a dit, au contraire, c'est une sunnah parmi les sunnahs de votre prophète. C'est la sunnah de ton prophète, et ce hadith-là, ou plutôt le athar, il était rapporté par l'imam muslim. Donc ceci nous prouve que il est bon de faire cela kazalika, et c'est une sunnah, comme l'a dit Taous. Donc le fait qu'il dit shir, yani yajouz, il veut dire par cela que c'est une sunnah. Et le fait qu'il faut le dire de temps en temps, plutôt le faire de temps en temps, car la plupart des riwayat, la plupart des versions dans lesquelles il a été décrit la manière de s'asseoir entre les deux prostrations, on ne voit pas que c'est trop, que cette description-là, elle a été évoquée. Elle a été évoquée que dans ce hadith-là, dans cette affaire-là, et les autres versions, ça n'a pas été évoqué. C'est pour ça que Cheikh, il nous a dit, ahyanan, yani de temps en temps, il fait cela. De temps en temps, il fait cela, car ça n'a pas été évoqué dans la plupart des riwayat. Et Naam, c'est un avis qui est juste, et c'est un avis kadalika qui a été évoqué par Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, de le faire de temps en temps. Qala, Naam, avant cela, il ne nous a pas évoqué où les mains doivent être placées à ce moment-là. Il n'a pas évoqué où les mains doivent être placées à ce moment-là. Et ça, c'est une chose kadalika qui est muhim. C'est muhim, c'est une chose qui est vraiment que Cheikh a oublié. Peut-être qu'il a évoqué dans le asl, là, qu'il ne l'a pas évoqué dans le résumé. Les mains, elles doivent être yani sur les genoux. An yada yadayhi ala fakhidayhi. قال أما اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر نعم أيوة إن شاء الله c'est-à-dire que j'ai oublié de l'évoquer cela نعم j'ai oublié de l'évoquer ça c'est شيخ الألباني شيخ العثيمين il voit que ta capacité de quoi faire tes shahhud de faire tes shahhud lorsque tu reviens de ces deux positions là لكن cet avis là il m'a échappé et les hadiths par rapport à cela et moi je sais que ce qui est connu c'est que c'est Shad ça m'était vraiment sorti de la tête et là je viens de le voir à travers son livre là, que le fait de Naam de pointer l'index de la main droite en direction de la Qibla lorsque tu es entre ces deux assises là c'est une chose qui n'est pas authentifiée c'est une chose qui n'est pas authentifiée le hadith qui a été évoqué dans cela il est Shad il a rejeté mais Inch'Allah je vais l'évoquer dans le cours prochain j'ai totalement oublié cette chose là Nabi Sultan Miani ne faisait pas cela pendant ce moment-là. Ça m'est sorti complètement de la tête que Cheikh Al-Uthaymeen, et je crois que c'est le seul, Wallah Alam, qui voit que tu peux faire cela. On ne connaît pas d'autres savants qui disent cette chose-là. Inch'Allah, on poursuit la lecture. قال ويقول في هذه الجلسة أو في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. Il nous dit dans ce moment-là, dans cette assise-là, qu'est-ce qui était légiféré de dire comme dua, c'est de demander le pardon à Allah Azzawajal, de demander sa miséricorde, de demander qu'il te comble de ses bienfaits, qu'il t'élève en degré, qu'il t'épargne de tout mal et qu'il te pourvoie. Ce hadith-là, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wa warfani wa afini warzuqni, c'est un hadith qui a été rapporté par Ashab al-Sunan, sauf An-Nasa'i, Ashab al-Sunan, Ibn Majah, Abu Dawud wa Tirmidhi. Lakin ce hadith-là, il s'y trouve dans la chaîne de transmission un rapporteur qui s'appelle Naam Kamil ibn Ala et c'est un hadith qui lui a été reproché. Comme cela est évoqué dans sa biographie, dans le kitab de l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala qui s'appelle Al-Mizan. De ce kitab-là, il a évoqué dans sa biographie que ce hadith-là même, il lui a été reproché. Donc ce hadith-là, à partir du moment qu'il a été reproché, Naam veut nous dire, nous indique que cet imam, plutôt ce hadith-là, il n'est pas authentique et ce rapporteur, il s'est trompé. Et c'est ainsi que le cas dans lequel nous l'a évoqué Cheikh Yahya, hafidhahullahu ta'ala, que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Même ce hadith-là, il n'est pas authentique. Qala, wa insha'a, qala, rabbi ghfirli. Il nous dit, s'il veut, il demande le pardon à Allah Azzawajal en disant, Seigneur, pardonne-moi, yani, en arabe, bien sûr. Seigneur, pardonne-moi. Ce hadith-là, il est authentique, rapporté par l'imam Abu Dawud ibn Majah, rahimahumullah ta'ala, selon Hudhayfa, et authentifié par, radiyallahu anhu, et authentifié par Cheikh Maqbel, radiyallahu plutôt, rahimahullah ta'ala, dans lequel il nous a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela. Et dans une autre version, il nous a dit, كَانَ يَقُولُهَا نَحْوَنْ مِسُجُدِهِ. Il répétait cela d'une durée qui est équivalente à son soujoud, à sa prosternation. Comme on a pu le voir, la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était parfois longue. Certains de ulama disent qu'il faut dire cette dua-là trois fois. Laquelle ce qui est sahih, est le fait de dire trois fois, non. C'est pas, il n'y a aucun hadith qui nous prouve et qui limite le fait de dire au moins cette chose-là trois fois. Il faut que tu l'aies dit au moins une fois. Mais on va le voir, Inch'Allah, ça c'est pas une obligation, mais c'est quoi? C'est mustahab, c'est une. C'est recommandé. Ceci est recommandé. Lakin, ce qui est légiféré, c'est que tu le dises plusieurs fois, comme cela a été évoqué dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait, yani, d'une manière, ou plutôt d'une quantité équivalente à la durée dans laquelle il faisait sa prosternation. Donc, yani, ceci nous prouve, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'il le dit autant de fois qu'il le veut. Autant de fois qu'il le veut, il le dit, et ça, c'est un avis kazalika qu'il a prévalu l'imam Sheikh, ou plutôt Sheikh, l'islam et taïmiyata, rahimahullah ta'ala. Il a vu que cet avis-là de l'imam Ahmed, il est juste, et c'est l'avis qui est juste. Na'am, parce que le hadith, il prouve cela. Quand il y en a au jugement des askar, que tu peux évoquer à ce moment-là, c'est mustahab. C'est mustahab et c'est même très recommandé. Ce qui nous prouve cela, c'est que Nabi Sassam, il l'a fait. Et comme on a pu le répéter, le fait que Nabi Sassam ait fait une chose et qu'il ne l'ordonne pas, le premier jugement de ses actes, c'est que c'est une recommandation et non pas une obligation. Donc l'avis qui est juste, c'est que ces choses-là est une recommandation. C'est recommandé. Certains de ulama, comme c'est le cas des hanafis, ils voient que hatta. Comme on a pu le voir, ils voient que tu te redresses et tu repars directement sous joug sans observer un apaisement dans cette assise là et ils disent qu'adaleka yani membab awla que tu invoques pas Allah azawajal, tu n'invoques pas Allah azawajal. Lakin, l'avis de la majorité des savants, c'est l'avis qui est juste, c'est à dire de invoquer Allah azawajal dans ce moment là en disant Rabbi Khfirli, en multipliant pour cela cette dua, en multipliant pour cela cette dua de manière que tu veux. Tu le dis autant de fois que tu veux. Autant de fois que tu veux. Et le fait que Nabi Sallam nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez prié, ceci accentue cette recommandation-là et nous prouve qu'elle est vraiment recommandée. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Rahimahumullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa yutilu hadhihi al-jalsa hatta takuna qariban min sajdati. Il nous dit il doit prolonger cette assise afin qu'elle soit équivalente à son sujoud, comme on a pu l'évoquer. Et ni les fois dernières que Nabi Sassam, comme cela a été évoqué dans le hadith Al-Bara ibn Azib, muttafaqan alayhi, dans lequel il nous a dit Kana al-ruku' al-Nabi Sassam, wa idha rafa'a ra'su min al-ruku' wa fi sujoudihi, wa idha na'am wa bayna sajdatayn, ma na'am ma khala al-qu'ud wa al-qiyam qariban min al-sawa. La prosternation du prophète Sassam, lorsqu'il revient de prosternation entre les deux prosternations, et lorsqu'il était en recours, lorsqu'il revenait au recours, ils étaient d'une manière, ou plutôt d'une durée qui était équivalente. Wa kadhalika hadith qala fihi na'am ramaqtu nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa wajadtu qiyamahu wa ruku'uhu wa i'tidalahu ba'da ruku'ihi wa sujuduhu wa julusuhu bayna sajdatayn qariban min as-sawa. Hadith là, il est d'un même sens, dans lequel il a dit j'ai observé la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu que lorsqu'il était debout, lorsqu'il était en recours, lorsqu'il se redressait de recours, lorsqu'il était en prosternation, lorsqu'il était entre les deux prosternations, que la durée elle était à peu près équivalente. Donc il y a le calibre, ou plutôt la chose sur laquelle tu dois baser cette durée-là, ça va sur quoi? Sur qiyam. Parce que Nabi sallam, comme il est évoqué dans ce hadith-là, il observait une durée lorsqu'il était debout, et ensuite il observait la même durée lorsqu'il était en recours, et la même durée lorsqu'il était... Il se relevait du rukou et il a khidihi. Donc ceci nous prouve que la durée sur laquelle tu dois baser cette équivalence même, entre ces positions dans la salah, c'est à partir de l'qiyam, à partir de ton qiyam, à partir de ta lecture. Si jamais tu as une lecture qui était modérée, tu dois avoir un rukou et la khidihi en sujoud qui est kadalika modéré. Si jamais il était un peu court, kadalika la sunnah, c'est que tu fasses un peu court. Si jamais c'était long, tu fais un peu plus long comme ce hadith-là nous prouve. Il est authentifié dans Bukhari ou Muslim. Et comme on a pu le voir à travers le hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala inni la alu an usalli bikum kama ra'aytu nabiy sallam yusalli bina aw kama kana an-nabiy sallam yusalli bina. Qala Thabit radiyallahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala ra'aytu Anasan yasna'u shay'an lam arakum taf'aluh, lam arakum tasna'uh. Fa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Wa idha sajada حتى أو بين السجدتين حتى يقول القائل قد ناسيا متفق عليه dans ce hadith. Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه nous dit je m'efforce à prier de la manière dont le prophète sallam le faisait. Ensuite Thabit, c'est-à-dire l'élève de Anas ibn Malik, nous a dit j'ai vu Anas faire une chose dont je n'ai jamais vu aucun de vous le faire. Il mettait un temps dans lorsqu'il revenait du rukou', yani d'une manière dont une personne pouvait dire il a oublié. Et il nous dit, kadhalika, lorsqu'il revenait du sujoud, c'est-à-dire entre les deux prosternations, il marquait un temps tellement long qu'une personne pouvait dire, il a oublié. Il s'est oublié pendant la prière. C'est-à-dire qu'il veut dire par là qu'il a marqué un temps d'arrêt qui était vraiment long. Donc, tu n'es pas obligé d'observer une distance, plutôt la durée entre tous ces piliers-là, laquine, c'est préférable, et qu'à cette manière de faire-là aussi, elle est préférable, c'est-à-dire de prolonger lorsque tu te redresses du rukou, et qu'à lorsque tu te redresses entre les deux prostrations, ceci est la sunna qu'à du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله تعالى السجدة الثانية la deuxième prostration. قال ثم يكبر وجوبا. On a pu le voir inshallah. Donc toutes ces choses là qu'on a vues dans la première prostration, elles s'appliquent à la deuxième prostration. C'est pour ça que je lis, car on a pu le voir inshallah, et c'est que de la lecture, et c'est un rappel inshallah, une révision. قال ثم يكبر وجوبا, c'est-à-dire qu'il doit faire le takbir lorsqu'il a fini l'assise, il va en prostration, donc il doit faire le takbir et il ne doit pas lever la main pour cela. Il n'y a rien qui a été authentifié par rapport à cela. Mais lorsqu'il revient du rukou', naam, ça a été, plutôt lorsqu'il revient de la sajda, il y a un hadith qui a été évoqué, comme on l'a pu l'évoquer au début du cours, dans lequel il y a les savants, ils ont délibéré par rapport à cela. Ils ont délibéré par rapport à cela. On a pu l'évoquer au début du cours. Donc il fait le takbir, c'est wujuban kama qala al-shaykh rahimahullah ta'ala, le hadith qui nous prouve cela, comme on l'a pu l'évoquer, hadith Rifa' ibn Rafi', dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué. Les choses par lesquelles se complète la prière, et parmi cela, il dit Summa yakul Allahu Akbar, summa yasjud. Il dit Allahu Akbar et ensuite il va en sujoud. Donc le fait qu'il a ordonné cela, c'est la personne qui ne savait pas prier. Puis le hadith dans lequel il a oublié le tashahhud nous prouve que le pilier qui est voulu dedans, dans le fait de faire le takbir, c'est il est dévié à l'obligation. Car, yani, comme on a pu l'évoquer, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait oublié le tashahhud dans lequel il y a un takbir, et ensuite il a comblé cela par. نعم la prostration de distraction. قال ويرفع يديه مع هذا التكبير احيانا اما هذا il y a rien qui est plutôt si il y a un hadith qui est authentifié ou plutôt évoqué, c'est un hadith qui ne peut être que ضعيف, car comme l'a dit Ibn Umar رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود, il faisait pas cela pendant la prostration, c'est-à-dire lorsqu'il va en prostration, lorsqu'il se relève ou lorsqu'il repart en prostration, il ne faisait pas cela, et le hadith est متفق عليه. قال ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا نعم. كما نبي الواسطة تنبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ta prosternation. et كذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. prosternez-vous et نعم plutôt inclinez-vous et prosternez-vous. comme on a pu le voir, ça c'est ce pilier là. Selon l'unanimité des savants, sont tous unanimes que le fait de se prosterner, c'est une obligation. C'est un pilier de la prière. قال ويصنع فيها ما صنع في الأولى. Et il fait la même chose qu'il a fait dans la première prosternation, c'est-à-dire qu'il s'équilibre dans sa prosternation en s'appuyant sur ses sept membres. Sur ses sept membres, le nez, le front, les deux paumes, les deux genoux et l'extrémité des pieds. Et la sunna dans cela, c'est qu'il écarte les mains et qu'il met sa tête entre ses mains, c'est-à-dire qu'il lève ses bouts de doigts à hauteur du lobe des oreilles. Et il met les doigts de ses mains en direction de la Qibla. En direction de la Qibla, il joint pour cela ses deux pieds. Il met ses doigts de pied en direction de la Qibla. Il doit invoquer Allah Azza wa Jal énormément et de manière abondante. Voici Yanni, là, descriptif Yanni, de la deuxième prostration. On a pu la voir à travers la première. Et Inch'Allah, sur cela, on va se contenter de cela. Quel est le titre du livre de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala? C'est l'excellent livre de jurisprudence. Un des meilleurs livres de jurisprudence, c'est le Sharh de Zad al-Ma'ad, Zad al-Mustaqna Aksud. Sharh al-Mumti'a. C'est vraiment un Sharh. Ismul al-Musamma. C'est un Sharh, Yanni, vraiment Mumti'a. Jiddam. Qui est vraiment vraiment bien, qui est à peu près en 6 volumes, mais seulement l'édition égyptienne et un peu plus selon l'édition, ça veut dire. C'est vraiment un grand livre. La science et le fiqh de Cheikh Al-Uthaymeen dans la jurisprudence, elle est regroupée dans ce livre. Elle est pour la plupart. Et qu'à le cas, dans l'explication d'Al-Bukhari, qu'il a fait oralement, c'est vraiment un livre, subhanallah, Al-Bukhari de Cheikh Al-Uthaymeen, un grand livre. Qui est un des derniers livres qu'il a fait, et dans lequel yani, son fiqh yani, il est vraiment au summum. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wa asa. Le jurisconsulte de ce siècle. T'as, Inch'Allah, sur ce, donc, on va se contenter de cela.